quand j'étais enfant, je faisais des petits feux dans ma chambre avec des papiers et un briquet que je trouvais dans un tiroir de la cuisine. J'espérais pouvoir en profiter un peu avant de me faire repérer. Mais l'odeur me trahissait toujours trop tôt. Mes parents voulaient que j'associe le début de flamme à un risque d'incendie. Mais moi, je savais qu'il n'y avait pas de risque. J'adorais aussi les énormes feux de camp qu'on faisait en colo. C'était terrifiant. Dans le film Crin blanc, il y a une scène où le petit garçon fait un feu. Il balance tout ce qu'il y a dans le feu. Le feu grandit, les arbres s'enflamment et il court devant la forêt qui brûle. Ça me faisait rêver, j'avais envie de faire la même chose. Le feu ne me faisait pas peur, c'est un danger dirigeable. Des amis me parlent du feu. Ils racontent comment elles et ils le font, comment ils elles l'ont appris, le plaisir, les enjeux qu'il y a à le faire, les habitudes, les anecdotes. Au départ de ces discussions, ce qui m'intéresse, c'est le feu et les femmes. Je remarque que les bonnes fées qui se pressent autour du barbecue les soirs d'été sont souvent des hommes. Couvant les braises du regard, ils piquent et retournent les grillades. Qu'est-ce qui les pousse soudain à se préoccuper de cuisine ? Plus qu'un travail domestique, le barbecue est en fait une activité de plein air qui sied à la virilité. Ma mère s'occupait de tout à la maison, mais mon père faisait les grillades. Au club de tennis, c'était toujours les mecs autour du barbecue. Ma mère est assez manuelle. Pourtant, je n'ai aucun souvenir d'elle en train de faire le feu. Je serais curieux de savoir si elle le faisait dans les fêtes avec ses potes, avant notre naissance à ma sœur et moi. Il y a la technique qui intervient pour dire aux gens qui sont à table, c'est une première ici à la parole errante pour faire une émission de radio dans la grande salle, de parler près des micros. Parce que c'est vrai que sinon l'auditeur risque de décrocher, de ne pas vous entendre bien. Quand j'ai commencé l'écolo pour payer mes études, je me proposais pour faire les feux de camp le soir. Je savais faire le feu, mais je ne savais pas jouer de la guitare. C'était une façon de prendre une place. Je disais que je pouvais m'en charger. Tu me connais, j'ai une grande bouche. Le moment de préparer le feu, le soir, c'était un moment particulier. Je me retrouvais seule et dégagée des enfants pour quelque temps. Il y avait une bonne ambiance dans ces camps-là. Après, j'ai travaillé dans d'autres endroits, moins sympas. Et c'était toujours des hommes qui y faisaient le feu, d'autorité, parfois en se mettant torse nu. Une fois, je faisais le barbecue et un mec m'a dit que je jouais à mon bonhomme. J'aime bien les barbecues avec plein de saucisses. Je n'ai aucun problème à faire le mec autour du barbecue, même si je suis une meuf. Comme je n'ai pas peur du feu, je prends cette place. Une fois, j'ai fait cuire des côtes de bœuf à la cheminée chez mon beau-père un peu sexiste. On a lancé un défi. Je faisais tout toute seule, de l'allumage du feu à la cuisson de la viande, à ma manière, sans aucun conseil ou commentaire de sa part. De son côté, il devait faire un gâteau. Il a été obligé de concéder que c'était les meilleures côtes de bœuf qu'il ait jamais goûtées. Je crois que ça l'a vexé. Pour le gâteau, il n'a pas suivi de recette et c'était dégueu. En 2015, je lisais dans Rue 89 un article de René Grezard intitulé « Sexisme du barbecue ». Les meufs, il est temps d'allumer le feu. Elle y faisait, avec un autre auteur, Jacob Brogan, le constat du quasi-monopole des hommes sur le barbecue. Ce monopole serait-il en train de s'éroder ? À l'occasion de la finale du championnat de France du barbecue en 2020, deux équipes de femmes ont gagné des prix, les flambeuses et les filles à côtelettes. Au vu de cette performance, je suis tenté d'y croire. Pourtant, alors que je prépare ce texte, je croise trois jeunes femmes qui ramassent du petit bois dans un parc près de chez moi. Pour un barbecue ? Oui. Un barbecue qu'elles organisent dans des jardins ouvriers en contrebas. Elles ont demandé à leurs copains de les attendre pour allumer le feu et pouvoir participer. J'ai l'impression de les entendre. Je suis sûre qu'ils ne nous ont pas attendus. J'étais invitée chez des amis à la campagne. Je propose qu'on fasse des grillades. Je vais chercher la viande, j'allume le feu. Et puis je manque de réactivité et c'est un pote qui prend le contrôle de toute la cuisson. Moi, je me retrouve à assurer des tâches un peu accessoires. Je me suis occupée de chercher une grille, de cuire les courgettes. Tout le monde a mangé des courgettes grillées. Pourtant, c'est mon pote que les gens ont remercié pour le feu et la bouffe. Il s'en est aperçu et s'est excusé de s'être approprié le feu, tout en se justifiant sur le fait qu'il fallait enquiller, que la cadence de cuisson de la viande était un peu speed, etc. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas pu s'en empêcher. En compagnie des filles avec qui je partageais un projet, féministe, on s'est retrouvés à trois derrière un feu, destiné à devenir un barbecue. Plein de questions inattendues ont été entendues ce soir-là et résolues collectivement. Et cette bûche, elle risque pas de tomber, là ? Et la grille, on la met maintenant, non ? Vous en pensez quoi ? Etc. Jusqu'à celle-ci. Mais vous avez déjà fait un barbecue avec que des meufs ? Non, en fait. Aucune de nous trois n'avait déjà participé à un barbecue non mixte. Il y avait toujours eu un homme avec nous autour du feu. Par quoi ou par qui nos questions sur le feu avaient-elles jusque-là été étouffées ? L'archétype du gars trop fort en feu hante les discussions. Celui capable de faire partir un feu sous la pluie, toujours prêt à partager sa technique du tonnerre, etc. De quoi couper l'étincelle sous le pied de n'importe qui. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui le sont, ne le sont pas naturellement. Un jour, en balade avec des amis le long du Doubs, on tombe sur trois jeunes garçons en train de faire un feu. Si deux étaient, à les entendre, très fort en feu, d'ailleurs c'était leur père qui leur avait appris, le troisième était un peu plus réservé. Il m'a expliqué que la seule fois où il avait vraiment réussi à faire partir un beau feu, c'est la fois où il avait voulu réchauffer un taco encore emballé dans du papier alu au micro-ondes. Sinon, sa technique à lui, il l'avait apprise dans Koh-Lanta, et franchement, il ne la trouvait pas si terrible. Pour l'avouer, il fallait un peu de courage. Quand enfin un autre garçon a rejoint le petit groupe, un des enfants a demandé au nouveau venu s'il savait faire le feu. Il a acquiescé. Lancé sur un ton moqueur, la réaction d'un enfant de la bande a achevé de me souffler. « Vous voyez bien que les filles savent faire le feu aussi. » Quand on montre qu'on sait faire le feu, on montre qu'on sait se débrouiller dans la nature, la vie sauvage. Alors qu'en fait, on a besoin d'un minimum d'allumettes, voire du papier. Même si une pigne peut servir d'allume-feu aussi. Tu sais ce que c'est une pigne ? C'est de la pomme de pin. Savoir allumer un feu, c'est associé à savoir faire des choses, à être capable de s'en sortir. Quand on échoue à faire un feu, il y a quelque chose d'humiliant. C'est peut-être aussi parce que c'est lié à la virilité. Si tu ne passes pas correctement le balai, c'est pas la honte. Je crois que chez tous les êtres humains, il y a ce fantasme d'une vie hors de la société qu'on a perdue. Pendant les vacances, notamment en camping, on joue à ça. Dans ce rêve, le feu occupe une place particulière. Disons que faire un feu, c'est le contraire de prendre le métro ou le RER. J'écris ce texte en été. Et les occasions de se retrouver autour d'un feu ne sont pas rares. Un ami construit un feu à côté de sa cabane. On parle de tout ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Les gens croient qu'ils font le feu, mais ils sont instrumentalisés par le feu. C'est lui qui décide. Là, tu vois, chacune de mes actions est millimétrée et sert un but bien précis. Il rigole. En fait, il fait un peu n'importe quoi. Si toutes ces discussions devaient déboucher sur quoi que ce soit, la conclusion aurait des airs de manuel de développement personnel féministe. Pour apprendre à faire le feu, il faut trouver des espaces à soi, rejeter les figures héroïques, accepter l'échec et savoir s'adapter. Au nouveau poêle, à la bûche qui tombe, à l'opposé de ce qu'on voulait faire dans le foyer. On peut aussi continuer de causer et le contempler. Je trouve que le feu communique de son énergie aux personnes qui sont autour. Les gens sont plus beaux autour d'un grand feu, les discussions sont plus vives. Quand les flammes sont faibles, ça devient un peu platonique. Dans le poêle, c'est différent. Tous les poêles sont un peu différents. Dans celui-là, c'est vraiment très facile de faire le feu, mais pour profiter du feu, il faut que je le voie. Des fois, j'ouvre la porte du poêle et je m'assieds à côté et je le regarde. Pour moi, c'est un peu comme une pulsion. Quand ça va pas, je vais faire un feu. Ça me calme. C'est comme regarder un lac que j'étais des galets dedans pendant des heures. Ta vie n'existe plus. Oui, bonjour. Alors, je suis Bruno. Je participe à la revue de Jeff Clack et avec Émilie et Elvina, on vient de lire... un extrait d'un article du dernier numéro de Jeff Clack qui s'appelle « Terre de feu », dont on va dire deux mots bientôt. Donc c'est un article qui s'appelle « Déconstruire un feu », et donc vous l'avez entendu, qui est plutôt sur les rapports genrés autour de la construction d'un feu. Et c'était un petit peu pour expliciter l'idée du barbecue qui est en train de se tenir dehors aujourd'hui. À la base... au tout début de la construction du numéro Terre de Feu, une copine avait envie d'écrire un tutoriel pour construire un barbecue non mixte. Bon, finalement, l'article a évolué vers l'article dont on vient de lire des extraits, donc plutôt à partir d'interviews sur comment se construisent les rapports genrés autour d'un feu. Et par contre, le collectif Jeff Clack a tout de suite eu l'idée, avant même de publier le numéro, de quand il serait sorti, au moment où on ferait une présentation et un petit peu une fête, qu'on appelle souvent fête à Clack, de faire un barbecue. Et ça tombait bien parce que, en même temps, plusieurs autres revues qui partageaient des locaux à la parole errante, dans la maison qui est au fond du jardin, qui s'appelle la maison des écritures et des revues, la mère, donc il y avait femme photographe, Z, et PD La Revue qui sortait un numéro. Donc on s'est dit, plutôt que faire une présentation dans notre coin, d'essayer de prévoir de faire une grande journée où se rejoindraient toutes les revues qui ont un rapport avec la Maison des Écritures et des Revues, et aussi pas mal de revues camarades avec qui on a déjà fait des choses ici. Donc voilà. C'était juste pour essayer de reciter un petit peu. Ok. Voilà, du coup, Terre de Feu, c'est le 7e numéro de Jeff Clack. Et c'est la comptine des trois petits chats qui nous impose le titre de notre revue chaque année. On a commencé à Marabout, Bout de ficelle, Selle de cheval, Cheval de course, etc. Donc on est arrivé à Terre de Feu. Quand on a commencé à discuter de ce thème-là, de Terre de Feu, qui n'était pas encore un thème, évidemment, juste une expression, on a eu des images d'incendie, on a eu des images d'embrasement. Il y avait les incendies de Californie à l'époque, donc on avait ça en tête. On pensait aussi à des embrasements sociaux. Mais on s'est dit que partir vraiment sur le feu, ça nous faisait quitter le deuxième terme, l'idée de la terre, quoi. Et l'idée de la terre nous invitait à penser le sol, en fait, ce qui était enfoui. Et de fait, on est arrivé à traiter cette dimension très littérale de Terre de Feu. Donc on a pensé à la réalité du volcan, aux incendies géants, etc., aux incendies politiques aussi, aux autodafés. Mais on les a traités dans leur dynamique souterraine et sur le temps long, en fait. Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, pour essayer de sortir de l'embrasement comme une étincelle, comme quelque chose d'un peu soudain qui jaillit. On a vraiment voulu travailler des dynamiques en profondeur, quoi. Et donc, quels sont les enjeux d'incendie politique, quels sont les enjeux des autodafés aujourd'hui? Le volcan nous a aussi donné une image pour penser des situations intimes, comme par exemple les colères enfouies, les tabous, les silences, mais aussi des situations collectives, notre rapport aux catastrophes, les menaces qui pèsent sur nous, comme les pollutions, les contaminations, etc. Et les luttes qui s'organisaient dans des contextes de catastrophes lentes, en fait, de contamination lente et diffuse. Donc, Terre de Feu, c'est un numéro qui met l'accent sur le temps long, sur les feux qui couvent, et qui tâche de connecter, en fait, les mouvements géologiques au corps, à la peau. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à parler aussi de choses qui se passent sous la peau, des maladies cutanées, de la contamination de l'amiante dans les corps. Voilà, donc plein de choses comme ça qui se passent à l'intérieur, même si ces choses-là peuvent affleurer à certains moments. 8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps, une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça. Mais c'est trop tôt pour ça. Barbara, vous êtes sûre? On t'explique la vie, autour ça s'agite, et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous êtes pas protégée, et vous serez peut-être stérile, fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé. Bien sûr que tu y as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. C'est beau, non? Pourtant, tu sais pas bien, la confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent, eux, sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel, c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent, et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire? T'as 26 ans. Le ciel bleu rend presque le boulevard joli. Presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant, tu te sens prête, tu t'entends raisonner et puis t'abandonner. Maintenant, tu t'écoutes. Maintenant, tu t'écoutes. Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs, de l'amour, du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, baiser, désir. Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais vers ma chère chérie. Sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers ta chère, ma chérie. Maintenant on sait, nous avançons, avançons vers nos chères chéries. Avançons vers nos chères guéries, avançons vers nos chères. Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais vers ma chère chérie. Sans le savoir, tu avanceras, t'avanceras vers cette chère, ma chérie. Maintenant on sait, nous avançons, avançons. Il faut que je gratte pour que ça apparaisse. Les maladies cutanées racontées par leurs hôtes. La peau est l'organe le plus étendu et le plus exposé du corps humain. Un tissu vivant qui est à la fois une enveloppe et un carrefour, qui dessine notre contour et se déploie malgré tout en profondeur. Que se passe-t-il quand cet emballage vital échappe à notre contrôle et que l'eczéma, le psoriasis ou autre affection cutanée se manifeste à la surface, mettant en lumière un intérieur caché? Comment ça pionce sous la peau, avant que ça n'explose, que ça ne s'embrase? À une période de ma vie, j'ai commencé à avoir beaucoup d'eczéma sur le visage, puis sur tout le corps, et c'était très difficile. J'avais des rougeurs sur le visage qui me démangeaient, et c'était très gênant, pour moi, parce que ça se voyait beaucoup. En tout cas, ça a pris beaucoup de place dans ma psyché. Je me réveillais le matin avec des traces de sang sur les draps, tellement dans la nuit, je m'étais grattée dans le dos. Je me levais avec l'eczéma, je me couchais avec l'eczéma, je ne pensais qu'à ça. Je l'ai très mal vécu. Ça sort et ça s'étend. Ça crée des lésions, des plaques, des croûtes, des saillies, des aspérités, des crêtes, des bosses, des orifices. C'est sensible, c'est douloureux, ça questionne, ça occupe le terrain. Ça m'occupe depuis qu'à une AG de Jeff Clack, de celle où on passe des heures à brasser le thème du numéro à venir, a surgi l'image du volcan comme peau de la Terre. A évoqué ces virus dormants, je discute et je m'échauffe, l'intérêt me saisit, alors je commence des entretiens. J'aime bien penser à cette image du volcan comme la peau de la Terre. La Terre, c'est une série de peaux de nature différente qui se superposent les unes aux autres. Alors là où il y a un volcan, effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas comme ailleurs. Je tente de comprendre en écoutant les plis variés que peuvent prendre ces phénomènes d'éruption cutanée dans l'existence de celles et ceux que ça touche. J'ai une histoire avec ça, et même un compagnonnage. Tous les hivers, ça arrive... Et maintenant, comme ça, revient à chaque fois quoi que je fasse. Je ne mets plus de crème, je ne mets plus rien. Est-ce que je me gratte plus quand je suis dans des situations de stress, dans des contextes de tension? Je n'ai pas vraiment cette impression. Je crois que c'est vraiment très lié à la température et à la saisonnalité. Les personnes avec qui j'en discute avouent avoir parfois presque une forme de tendresse, un attachement à cette chose qui les occupe, qui peut les envahir, mais à laquelle leur identité est liée et qu'elles peuvent reconnaître, qui s'est sédimentée dans le temps, par la répétition et la chronicité des manifestations éruptives. Comme la croûte terrestre, la peau garde les traces des agressions du monde extérieur par ses cicatrices, sa forme, sa texture. Les éruptions sont de longues histoires. Elles couvent depuis longtemps, même à l'échelle de la vie d'un être humain. Ça commence sous une forme parfois bénigne dans l'enfance, et puis ça peut revenir sous une forme qui peut être beaucoup plus grave, à un âge plus avancé où on se défend moins bien contre les agressions extérieures. Quand on cherche la cause d'une affection cutanée, on cherche loin dans le passé des gens, me dit un dermatologue. Ça disparaît aussi vite que ça apparaît en fait. Il y a quelque chose de cyclique, ça revient, mais je ne saurais pas du tout le replacer dans l'histoire de mon corps. Malgré la répétition du phénomène et la connaissance intime qu'on finit par en avoir, il y a quelque chose qui reste incontrôlable et qui échappe. Après quelques entretiens, je suis très vite frappée par cette sensation souvent partagée de perte de contrôle, en tout cas de très grands troubles, qui peut aller jusqu'à une impression de perte de sensation de son propre contour. J'ai une maladie de peau qui s'appelle le psoriasis, qui est multifactorielle, mais si j'essaie de chercher ce qui se passe avant en moi, c'est souvent un sentiment de trop-plein, que ça a trop retenu et qu'il faut que ça sorte. C'est quand même souvent lié à un stress, à un travail à rendre, c'est en tout cas lié au sens de la vie, à ce que je fous là, à si je suis ou non à ma place. Une des choses les plus désagréables avec le psoriasis, c'est d'être autant étranger à soi-même. Enfin, c'est agaçant d'être perdu en soi à ce point-là, tout en ayant l'impression de se posséder. C'est quand même une grande perte, c'est une soupe. Tu nages dans la soupe. La peau, ça vient dire quel est le problème, ça vient le montrer. Et l'éruption cutanée montre une peau abîmée, mais enfin, ça montre surtout une surface d'interaction. Et ça la déplace, ça dissimule où est le problème. On se dit qu'il y a un problème d'espace interne, mais il apparaît comme ça sur un endroit qu'on va soigner. On ne sait pas ce qu'on soigne, mais on soigne un déplacement. Avant que ça ne sorte en éruption, ça pionce dessous. Ça couve, souvent très longtemps, en attendant son heure. Un dermatologue me dit « L'idée de ce qui couve fait immédiatement penser aux maladies virales à expression cutanée. » Par exemple, dans le cas de l'herpès, le mot vient d'une racine grecque « herpein » qui signifie « ramper ». L'herpès est un virus que l'on attrape par un contact qui se loge dans le corps et puis peut faire une poussée ou au contraire ne provoquer aucune manifestation sur la peau, auquel cas il se réfugie dans les ganglions qui sont situés à côté de la colonne vertébrale. Et là, l'herpès s'endort. Il reste tranquille dans son ganglion, il ne bouge pas et il peut rester comme ça à vie, sans jamais se manifester. Ou bien, parfois, quand l'immunité qui le maintenait à l'intérieur de son ganglion s'affaiblit, il sort et il fait son trajet à travers un nerf. Quand le virus atteint sa cible, la peau, une névralgie apparaît. Au bout de quelques jours, ces boutons disparaissent, sont remplacés par des petites croûtes et finalement la rougeur disparaît. Mais le virus est toujours là, il fait marche arrière et il rentre se cacher dans son ganglion. Quand on attrape le virus de l'herpès, on le garde jusqu'à la fin de ses jours. Et on sait qu'il y a tout un tas de gens qui portent en eux le virus sans qu'aucune manifestation clinique n'apparaisse jamais. Manifestation de surface, les troubles cutanés n'en appellent pas moins à la profondeur de la peau. Ah, pardon, je me suis trompée d'extrait. Bon, bah, je m'arrête là pour le moment, on en relira un autre bout tout à l'heure. Ça veut dire que là, c'était suffisamment long. Merci, Émilie. Bonjour, du coup, moi je suis Noémie de la revue Femmes Photographes et je suis là avec Isa et Maud qui sont aussi de la revue Femmes Photographes. Nous, on vient de faire le numéro 10 de notre revue qui est sur le thème de faire corps. Et donc, on a eu l'idée, disons, de croiser un peu les thèmes de terre de feu et de faire corps. Nous, on voudrait, en tout cas, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une réflexion sur terre de feu, où finalement, vous faites un lien assez clair entre le feu et la peau, qui, à mon avis, n'est pas que une histoire de colère, et que si vous pouvez un tout petit peu raconter comment, par où vous êtes passé pour qu'il y ait des textes à la fois très différents, qui finalement soient dans ce thème-là, et où finalement la peau et le feu sont quand même pas mal en jeu côte à côte, quoi. Bah, il nous semblait que le volcan fournissait une image, justement, un rapport entre la surface et des bouillonnements internes et des choses de jaillissement. Et que du coup, très vite, l'idée de peau comme terre de feu, comme volcan est venue, quoi. Et on a été plusieurs à se dire que ce serait très intéressant de travailler sur les maladies cutanées. Et c'est Émilie qui a pris en charge cette enquête, quoi. Oui, en fait, il s'agissait de rencontrer des gens sur les manifestations qu'ils pouvaient avoir, comme l'eczéma, le psoriasis. Mais en fait, très vite, dans les entretiens, on se retrouvait à... Ouais, c'est ce qui est un petit peu dit dans l'article, avec tout un goût pour les mots et l'étymologie. Et dès qu'on va voir dans le dico et qu'on se rend compte qu'en fait, ça vient que de mots qui signifient ramper, bouillonner. C'est que des trucs par en dessous, que des trucs qui couvent. Alors, ça semblait vraiment... hyper complètement lié à la façon qu'on avait d'axer le thème de Terre de Feu, avec cette histoire de tout ce qu'Elvina a expliqué tout à l'heure sur tout ce qui couve en général. Et c'est vrai que ce rapport aussi entre l'intérieur et l'extérieur qu'est la peau, ça permettait d'entendre des gens sur des manifestations qui sont très clairement éruptives. C'est presque littéral, quoi. Le côté, tu as plein de boutons d'un coup, tu as des plaques, tu t'en sors plus, tu te grattes. Enfin, et en même temps, bah, très vite, dans les entretiens, ça parlait de je suis quoi, moi, avec ça? Comment est-ce que je me débrouille avec ce qui apparaît d'un coup alors qu'en fait, je le contrôle pas? Bonjour, je m'appelle Isa, je fais partie de la revue Femmes Photographes. Et Émilie, je voudrais te poser la question, en fait, est-ce que tu crois, après avoir fait les entretiens, en fait, que la, En fait, la parole, le fait de parler de ça, ça peut libérer en fait la peau. Parce qu'on a l'impression dans tous les interviews que tu as fait dans le texte, c'est que les gens se sentent prisonniers quand même à un endroit et qui sont à la merci en fait de ce que leur corps peut faire. Et est-ce que le fait de parler en fait, ça pourrait avoir une fonction en fait de libérer quelque chose en fait? Je ne sais pas très bien si parler, en tout cas je pense que ça a réglé l'eczéma de personne, de faire des entretiens avec moi, mais en tout cas, c'était, en fait c'était souvent, bon, après c'est la façon aussi qu'on peut avoir nous de faire des entretiens, on n'est pas du tout sur des interviews forcément, on laisse aussi ce qui vient, on prend du temps, enfin, de la même manière qu'on est une revue sur un temps long, souvent dans les rencontres qu'on a ou la façon qu'on a d'aborder les choses, on creuse un peu, alors enfin on essaye en tout cas. Là du coup en général avec les gens ça a duré très longtemps, donc oui, j'imagine que ça leur faisait pas de mal d'en parler, mais ça parlait finalement beaucoup de qu'est-ce qui échappe quoi. Par rapport à ce que tu demandes, il y a un truc de en parler, c'est ne pas faire que ça reste tapis dans son coin dans l'ombre et qu'on fasse que être victime du truc. C'est aussi une façon de comprendre. Je pense. C'est un texte qui émeut beaucoup de gens. Enfin, les gens concernés par les maladies cutanées sont très frappés de lire ces témoignages-là. Et en fait, il y a assez peu, je crois, d'espace de parole ou de discussion autour de ces maladies-là. Enfin, les diagnostics sont présents et tout ça, mais je crois que ces récits-là il y a eu une communauté de lecture autour de ce texte quoi, qui s'est créée. Il y a beaucoup d'émotions, d'attention autour de la lecture de ces témoignages par les gens concernés. Oui, c'est ça. Et en tout cas, indépendamment des histoires de liens entre la psyché et la peau, qui sont complètement, dès nos premières cellules, elles sont communes. Enfin, il y a eu une rencontre assez chouette avec un dermatologue qui était, lui, hyper intéressé par ces histoires et par tout le côté, justement, le diagnostic était toujours hyper compliqué à poser. Et lui racontait bien comment est-ce qu'il voyait les gens sur des temps très très longs, sans forcément toujours réussir à régler le truc. Mais en tout cas, c'est pas qu'une histoire de corps quoi, c'est pas qu'une histoire de ta surface de corps, c'est toute ton enveloppe, c'est dans le texte aussi il y a un peu des choses autour de la notion de contour, enfin comment est-ce qu'on est défini, dessiné, etc. Voilà. Mais dans tous les interviews il y a la notion de la perte du contrôle en fait, et ce que tu racontes c'est quand même sur le fait de pas réussir à gérer sa propre peau, de pas gérer son propre corps, et c'est comme si la surface de la peau en fait venait révéler ce qu'il y avait à l'intérieur du corps, donc qui serait plus fort que la parole en fait, que la raison en fait. C'est ce qui, les textes qui sont dits. Et pour ajouter quelque chose par rapport à ça, moi ce que je trouve assez beau dans le texte d'Émilie, c'est que souvent, par exemple, ce truc de rougir en fonction d'une colère ou quelque chose s'est pris comme quelque chose d'un peu honteux, quelque chose comme ça. Et au cours du texte, il y a quelque chose qui s'inverse ou je ne sais plus comment tu le dis ou comment c'est dit, mais que c'est plutôt le contraire. Ce serait qu'on rougit, ça montre que la parole est importante, qu'il y a quelque chose qui compte, quoi, justement. Il n'y a pas à en avoir honte, mais juste... la peau, c'est pour eux avec le monde, et ça montre que qu'une prise de parole, c'est pas forcément quelque chose de froid, et c'est quelque chose qui peut être important. Pour raisonner avec un texte qui a été lu hier, on pourrait dire que le jeune homme ne rougit pas, parce que la parole lui importe pas, quoi. Enfin, et que là, voilà, c'est plutôt un signe de... assez beau finalement. Ouais, mais ça faisait plaisir en fait d'avoir cette partie-là dans l'article, une espèce de truc qu'on peut retourner comme ça. Bon, en plus moi c'est un truc qui m'affecte, le rougissement. Je pense aussi qu'à cet âgé dont il est question au début de l'article, il suffisait que je commence à parler devant tout le monde de comment ça m'intéressait ces histoires de peau pour que je me pique un phare monumental. Et il y a eu un entretien vraiment super avec quelqu'un qui est justement très proche de la parole, mais avec qui, qui a un peu ce truc-là aussi, qui rougit parfois sans raison, et qui n'est pas forcément quelqu'un d'ultra timide. Et en fait, pareil, de la même manière, je disais tout à l'heure, les entretiens, on les conduit toujours de façon un peu flottante. Enfin, c'est souvent ça qui est intéressant. On est plus réfléchi sur le fait de qu'est-ce que c'était pour nous de rougir et que d'en avoir la moindre connaissance scientifique ou je sais pas quoi, ni d'avoir prétention à comprendre le phénomène, mais en tout cas ça nous a fait du bien de retourner le truc et de se rendre compte qu'effectivement c'était quand c'était important qu'on se mettait aussi à rougir. Mais du coup je termine en lisant un petit bout de ça. Donc c'est cette partie de l'article a comme sous-titre rougir. Je lis pas tout, j'en lis des bouts et j'essaye de me débrouiller pour pas faire trop d'interruptions au milieu. En fait, indépendamment des maladies de peau, tout ça en dit beaucoup sur notre rapport à l'apparence et à la place que ça prend dans la vie des gens. Parce que les gens pour qui ça n'est pas visible, j'ai l'impression que ça les gêne, mais pas plus que ça. L'éruption cutanée met celui ou celle qui l'a subi en pleine lumière, alors qu'il n'en a pas forcément envie. Et rougir alors. Je repense à toutes ces fois où, depuis l'enfance, avec ou sans raison, je me suis piqué des phares monumentaux à vouloir me glisser sous terre. À cette fameuse AG de Jeff Clack, ou même sous quelques regards amis, partager des réflexions autour de la peau m'échauffait irrésistiblement les joues. Ce n'est pas vraiment une pathologie, le rougissement, qu'on appelle aussi l'érythème pudique. C'est mystérieux et spectaculaire, mais qu'il s'agisse de parler en public, de sentir des regards sur soi ou d'un simple embarras, le mécanisme physiologique est le même, directement lié à une réponse archaïque de combat ou fuite. L'adrénaline sécrétée cause une dilatation des vaisseaux sanguins au niveau du visage, du cou, du décolleté, d'où un afflux de sang et une coloration rouge. La chaleur ressentie est due au sang qui est à 37 degrés, alors que la peau est plus fraîche. Oui, je peux sentir le rougissement monter. Je sens que ça chauffe. Dès que je deviens écarlate, ça part de là, du décolleté. Il y a comme quelque chose qui boue à l'intérieur. Une grosse sensation de chaleur, pendant que je suis en train de parler ou quand plusieurs personnes me regardent. Et je sais que ça se voit. Dans le regard des gens, je sens qu'il y a quelque chose qui me trahit. Du coup, j'ai l'impression que ça décrédibilise mon propos, qu'on n'écoute plus ce que je suis en train de dire, mais qu'on regarde ce que ça me fait de dire. J'ai vraiment la sensation d'un liquide en ébullition, comme dans un dessin animé où tu verrais le personnage qui est jaune et qui devient progressivement rouge de la tête aux pieds. Quand ça passe et que ça se calme, ça redescend et ça se refroidit, et c'est vraiment cette sensation de l'eau, de sentir un truc très chaud, et il reste la vapeur, la fébrilité. Le paradoxe est que cela arrive souvent à des gens discrets, qui préféraient ne pas être l'éternel petit lampion sur les photos et passer plutôt inaperçu, tandis que leur corps les trahit et les expose. Mais rougir, cramoisir, c'est aussi se signaler et savoir se dessiner un contour, être capable de poser des limites à l'autre, comme les insectes ou les plantes utilisent le rouge pour se défendre et préserver leur existence. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'enjeu pour que je rougisse. Je rougis aussi parce que je dois parler d'un truc qui est important. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. On n'est pas juste une petite chose fragile quand on rougit. Il y a aussi une force et la volonté de défendre le sens que l'on donne aux choses, s'exprimer au plus près de ce qu'on voudrait dire et défendre que ce soit entendu pour ce que c'est. À force, j'ai aussi admis que je rougissais et qu'il ne fallait pas que je me laisse déstabiliser. Bah ouais, je rougis, et alors ? Une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas me ratatiner forcément dès que je sens que ça monte. Mais c'est quand même vachement énervant la façon dont ça peut te décrédibiliser. Si en plus ce sont des hommes qui utilisent ce truc pour te dire que c'est charmant, là, vraiment, c'est encore plus énervant. Rougir peut donc être aussi l'expression d'une forme d'assise, d'une façon de prendre sa place, d'être entendu, de laisser sa peau crier littéralement à l'autre « garde tes distances et laisse mon contour intact ». Une saine colère, pour ne pas se laisser réduire. Quelque chose sort et se montre, permet simplement de poser qui on est dans sa tenue, sa maintenance et décidément son juste contour. Et là, je termine par juste un tout petit, une petite queue de comète de cet entretien. En tout cas, ça ne touche pas mon enveloppe, car oui, j'ai une bonne enveloppe bien définie. Peut-être qu'elle est fantasmée, mais la limite, elle est claire. On se retient un peu d'applaudir, j'avoue, mais... Deux amis de femmes photographes vont lire ce qu'on appelait avant l'édito de notre revue. Puis après 9 numéros, on s'est rendu compte en fait que ce texte qu'on demande à chaque numéro à une personne en lien avec le thème du numéro est tout sauf un édito. Donc on s'est dit qu'on allait arrêter d'écrire édito. En tout cas, à chaque numéro de cette revue, on se questionne à un moment de l'editing pour savoir à qui on va demander d'écrire un texte autour de, du thème qu'on a choisi. Il se trouve, pour cette revue qui s'appelle Faire Corps, on a demandé à un ami qui vit à Berlin, qui s'appelle Jérôme C. Robinet, qui par ailleurs est écrivain, slameur, performeur, etc. Son texte s'appelle « La plante que donc je suis ». Et c'est Sophie et Julien qui vont le lire maintenant. Mon corps est principalement constitué d'eau. Dimanche matin, 8h16, le voisin démarre sa tondeuse hybride, Cocorico. Le bide se bouquant mais tympan, vite une paupière à oreille. L'eau reflète les énergies environnantes. Masaru Emoto a réalisé l'expérience suivante. Il a donné à de l'eau certaines informations en collant sur ses flacons divers messages. Merci. Tu es folle. Je vais te tuer. Amour. Haine. Guerre. Paix. Gratitude. Il leur a également joué de la musique. Ainsi, un flacon d'eau a écouté Ludwig von Beethoven. La pastorale, un morceau lumineux et joyeux. Un autre flacon a entendu Mozart. La symphonie numéro 40 en sol mineur. Un autre encore, Bach, ou Elvis Presley, ou du heavy metal. Chaque flacon a été placé entre deux haut-parleurs pendant plusieurs heures et Emoto a laissé le corps haut réagir, intra-agir avec la musique. Ensuite, il a congelé l'eau pour photographier les cristaux en formation. Au microscope, les cristaux de glace se sont révélés différents selon chaque morceau de musique et selon chaque message. Avec amour et gratitude, par exemple, le cristal était totalement ouvert, tel une fleur éclose, comme si l'eau ouvrait les bras en grand pour exprimer sa joie. Avec la valse de l'adieu de Frédéric Chopin, la forme de base du cristal était fractionnée en petits éclats séparés les uns des autres, presque parfaitement. Avec du heavy metal, la structure hexagonale régulière semblait être passée sous une tondeuse. L'eau, le corps, l'esprit réagissent à la musique et mon corps est constitué principalement d'eau. Bien sûr, je pourrais me considérer surtout comme ayant un visage, des doigts, des jambes et toute cette machine composée d'os et de chair, machine que l'on désigne par le nom de corps. Je pourrais pétrir ma chair, mes tissus adipeux dont la taille et l'emplacement déterminent la manière dont chaque corps est perçu, genré, jugé, caractérisé en termes esthétiques, tissus et chair qui touchent et sont touchés. Mais je pourrais aussi entendre mon corps comme une chose parmi les choses. Comme une somme de processus physico-chimiques et flexibles et muables, selon Descartes. Un acteur matériel sémiotique, selon Haraway. Comme un truc composé d'eau qui réagit, selon moi. Mon corps et mon corps touche et est touché, oui. Et le toucher, le geste, sont une danse. La danse, ce n'est pas uniquement le jeu des pieds et leurs mouvements, l'inclinaison des poitrines et la rotation des hanches, qu'on appelle parfois grâce. La danse, c'est tout le geste, tout le reste. C'est le monde entier qui se meut. D'après la phénoménologie de Merleau-Ponty, on peut connaître un cristal par la vue ou par le toucher. Comme on peut connaître une figure géométrique sans en avoir jamais compté ou mesuré les côtés. Je peux percevoir un objet sans jamais avoir perçu la couleur de mes propres yeux. Le corps est un principe constant de distraction et de vertige, mais le corps n'est pas en mesure de nous faire voir ce qui n'est pas. Il a juste le pouvoir de nous faire croire que nous le voyons. La lune, à l'horizon, n'est pas vue plus grosse qu'au zénith. Si nous la regardons attentivement, par exemple à travers un tube de carton ou une lunette, nous verrons que son diamètre apparent reste constant. Maintenant, avons-nous des exemples d'espèces qui se sont aventurées hors de leur propre planète ? Jusqu'à présent, on n'en connaît qu'une, l'Homo sapiens. Le corps Homo sapiens s'est aventuré vers un autre corps céleste, la Lune. Mais les raisons d'envoyer des corps humains sur le corps lunaire étaient tout, sauf altruistes. La plaque déposée le 20 juillet 1969 sur la surface de la Lune a beau dire « We came in peace for all mankind », on connaît la complexité des efforts colossaux qui ont fini par amener l'Homo sapiens à poser ses pantoufles sur la Lune, ainsi que les nombreuses raisons que de nombreux dirigeants de la guerre froide avaient vraiment en tête pour accomplir un tel exploit. Ça inclut toutes les forces motrices, de l'altruisme à la cupidité. Maintenant que l'on parle du retour de corps humains sur la Lune et de leur arrivée sur Mars, la grande motivation est l'exploitation des minéraux et des ressources naturelles. Mon corps est constitué principalement d'eau. Le corps piscine, le corps maison, et je ne fais pas allusion à la forme, mais au fond, le fond du corps, si on veut, tissu cousu dans la trame du monde et qui se fonde dans l'infini de matières et de textures dans lesquelles tous les corps s'entrechoquent. Le corps de mon voisin, fermement établi, qui démarre sa tondeuse. Le corps qui parle et mange un repas de famille. Un corps qui possède un rond de serviette à son nom, son bol de petit déjeuner à son nom. Quand j'étais gosse, je n'aimais pas mon prénom au petit déjeuner le matin. Je voulais qu'on m'appelle autrement. Même, j'aurais préféré m'appeler Nesquik. Si je possède un bol, mon bol possède un humain. Si je possède un chat, mon chat possède un humain. L'animal, selon Jacques Derrida, ne devrait pas être privé du mot, de ce mot qu'on nomme nom. En outre, Jacques a dit, l'animal est forcément pluriel. Il n'y a pas d'animal au singulier. La pluralité des animaux ne se laisse pas subsumer dans la seule figure de l'animalité, laquelle serait séparée de l'humanité par une seule limite indivisible. L'animal déridien participe au logos et contient son propre pluriel. Il a nommé l'animo. Au début était l'animo. Nous voilà pris dans une toison, dans l'immense énigme touffue du poil, telle que l'a décrit Derrida. Ce moment où le philosophe est surpris, nu, en silence, par le regard de son chat, par les yeux de son chat. Il a du mal à surmonter sa gêne. Derrida est embarrassé d'être observé à poil par son chat. Pourtant, l'animal est plus nu que l'humain qui, à son tour, est plus nu que l'animal. Énigme, touffu du poil, du pelage, de la pelure et de la peau, des ongles, des rides, des sécrétions et des injections. Mon corps est composé en majorité d'eau. Un ovule fertilisé possède 96% d'eau. Un bébé à la naissance est 80% d'eau. En grandissant, le pourcentage décroît pour se stabiliser à 70% à l'âge adulte. Mon corps n'est pas seulement une catégorie médicale, mais aussi un lieu de conservation, de circulation, d'archivage de la mémoire de l'eau, un lieu d'emprunt, gratuit ou non. Mon corps est une somathèque au sens de Paul B. Preciado. Une collection de postures, de gestes, d'images empruntées au discours, à l'art, à la pub, qui propose tout un catalogue de corps possibles, canoniques ou hors normes. Notre corps a été élevé dans la nécropolis, possédant le pouvoir de décider qui pourra vivre et qui doit mourir. Notre corps est enchevêtré dans l'ère pharmacopornographique. Notre corps est soumis à de nouvelles formes de contrôle biochimique et numérique ultra connectées. Pilules. Viagra. Hormones. YouPorn. Prozac. PrEP. Collagène. Virus. Vaccin. Harold Geller rappelle que le contrôle biochimique a été le véritable cadeau de l'Europe, ayant permis la conquête d'Abya Yalla, les maladies. Les caravelles de Christophe Colomb et d'Amerigo Vespucci ont apporté dans leur soute une cargaison de maladies. Les maladies que les intelligences extraterrestres apporteront sur notre planète Terre ne seront pas compatibles sur le plan évolutif avec la chimie de notre propre corps. Notre corps est composé d'eau en majorité. Notre corps est historiquement constitué. Notre corps peut également être produit, généré comme un poème, écrit Donna Haraway. Couplage du corps, du monde et du langage. Un corps-poème avec cisaillement de détails, force de provocation. L'autre nom ici de la beauté. Le corps est un déplacement existentiel, la localisation d'un lieu réellement impossible. Le monde a de l'humour. Notre corps est un espace-temps à part entière. L'être humain augmenté est déjà une réalité. Porter des lunettes n'est pas un problème. La surdité est une culture en soi et chaque personne sourde ne veut pas forcément entendre. Mais d'autres choisissent une implantation cochléaire. Pourquoi pas ? Tant que ce n'est pas imposé par le corps médical ou par la pression normative. Car la maltraitance médicale existe bel et bien. Elle traverse l'existence et le corps de certaines personnes comme si c'était inhérent à leurs conditions. Imposer une norme anatomique, c'est prescrire une norme cicatricielle. Un clitoris trop gros. Un pénis trop petit. Un vagin incomplet. Testicules sous-cutanés. Trop gros. Trop petit. Incomplet. Sous-cutané. Trop gros. Trop petit. Faut opérer, même sans risque vital. Opérons sans l'accord des personnes concernées. Faut opérer. Malgré des résultats catastrophiques. Opérons. Opérons. Opérons. Les organes génitaux atypiques. Opérons. Assignons à tout le monde un genre d'élevage au plus tôt. Il faut opérer. Au pire, opérons. Opérons. Opérons. Le corps est un oiseau insomniaque que nul ne peut faire dormir. Aurons-nous un jour la chance de devenir une plante ? Nous n'aurons jamais à devenir des plantes. Nous ne deviendrons jamais des plantes. Est-ce un réconfort ? Ou une malédiction ? La plante que je suis demande de l'eau pétillante, laquelle lance ses petits confettis transparents. Qu'adviendrait-il si notre corps était capable de photosynthèse, de fabriquer ses propres biomolécules à partir d'eau et de dioxyde de carbone à l'aide de l'énergie lumineuse reçue du soleil ? Notre corps est un espace-temps situé. Quand la tondeuse dérape et décolle, elle crève le mur du son et menace de déchirer tes tympans. Toi, tu as envie de dormir. Du coup, oui, tu écoutes une application avec le bruissement de l'océan, des cuicuis d'oiseaux. Quand ils ont des insomnies, les oiseaux, ils écoutent quoi ? Le bruit des voitures ? Des dérapages ? Des klaxons ? Imagine un accident de tondeuse. Tu dois te traîner toi-même aux urgences. Tu dois t'y traîner tout seul, en sang, et dans ton sac à dos des bistouris, pinces hémostatiques, ciseaux à irectectomie. C'est toi qui dois tout apporter, les instruments et leur usage. C'est à toi d'expliquer au médecin le mode d'emploi, ton corps trans et les mots pour le nommer, ton corps trans et sa situation. La plupart des médecins n'en ont pas idée. La plupart des gens ne savent pas. La femme à barbe. L'homme à chatte, la chienne, mes seins, mon vagin, mon chatte, oui, mon chatte. Mon chatte a envie d'être appelé au masculin. Il préfère ça que des squeaks. Vraiment, l'époque change. De genre, de sexe. Tout le monde naît garçon ou fille, tu parles. Des millions de gens ont des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas à la définition traditionnelle du masculin et du féminin. Alors mes seins, oui, j'ai des seins. Pas vous. Imagine, tu assistes à un concert symphonique dans un fauteuil molletonné. Tous les instruments jouent en même temps. Maintenant, concentre-toi uniquement sur le violon. Tu entends ? Fais abstraction de tous les sons sauf de la mélodie du violon. Tu entends ? Fais abstraction de tous les sons. L'eau est la mémoire de nos émotions, la mémoire de notre corps. Écoute. Écoute bien. Pas dans l'intention de répondre, mais de comprendre. Je suis un homme à chatte. Si tu ne comprends pas ça, j'imagine que tu ne comprends rien à ce que je dis, ni à ce que mon chat essaie de miauler. Chut ! Fais atterrir doucement le truc dans ton crâne. Mon chat se genre au masculin. Mon chat en a ras-le-bol, un bol sans prénom. Des gens qui pensent que parce que je suis un homme, lui et moi, on devrait se détester. Pas du tout. Moi et mon chat, on ne se déteste pas. Je l'aime bien, ce petit con. On vit en harmonie, comme on dit. Bon, on n'est pas toujours d'accord, évidemment. Des fois, ça arrive. On n'a pas toujours le même avis concernant les choix amoureux. C'est vrai. Ou quant au programme télé, mon chat préfère des choses un peu plus, disons, chastes. Mais mon chat, il entend ce que les gens disent. Parfois, il a envie d'être blotti et qu'on prenne soin de lui, qu'on lui donne des petits noms, qu'on lui susurre mon petit pussy boy, viens là, boy hall, front hall, beautiful bonus hall, mangina, sweet inner cock, yes, in English. Le français, il est tout rigide, tout raide, presque langue morte. Le français, il n'a pas encore compris que la langue était flexible, que le sexe est une métonymie, que l'être humain n'est pas un impératif catégorique. Genre, race, classe, fluidité, une normativité forcée parmi l'ondoiement des vagues de la mer et de l'herbe. La génération post-milléniale peut piocher parmi 70 nuances de genre sur Internet. Sur certains sites de rencontres, il y a aujourd'hui autant d'orientations sexuelles qu'il existe d'instruments de musique. Bien sûr, il faut gérer les événements sportifs et la situation spécifique des prisons, mais le sport et la prison vont évoluer de toute manière, nécessairement. Des supplices corporels à la surveillance électronique en passant par l'enfermement, Michel Foucault a montré que les dispositifs disciplinaires ont toujours évolué. Je propose qu'on termine par un nouveau début. Ah, ma sœur m'a offert un nouveau bol avec imprimé dessus mon nouveau prénom. Bientôt, l'univers prononcera tous les corps, d'abord avec difficulté, mais enfin il le fera. Après tout, les corps sont principalement constitués d'eau et l'eau n'existe que pluriel. Les corps sont animes, eau. On va dire un mot sur le, enfin quelques mots pardon sur le, donc cette nouvelle revue Femmes Photographes numéro 10. Dans les derniers numéros de notre revue, on avait abordé la problématique du corps collectif, des corps en résistance, et sur les deux prochains numéros, donc les numéros 10 et 11, on a choisi comme thématique faire corps, avec l'envie de mettre en avant le corps et ses enjeux de manière plus personnelle, plus individuelle. Des enjeux de représentation, bien sûr, mais également des rapports complexes que nous entretenons avec nos propres corps face aux injonctions sociétales. Corps clandestin, corps entravé, corps invisibilisé, ainsi qu'avec nous-mêmes. Il y a nécessité à se montrer, à se reconnaître au travers du regard des autres, pour qu'une rencontre des corps ait lieu et que le corps ne soit plus seul à se voir. Il est indispensable de le rendre visible pour soi et pour les autres. C'est la raison pour laquelle ce numéro 10 sera suivi d'un numéro 11 axé sur la rencontre des corps et la sexualité. Isa va juste présenter les photographes qui sont dans le numéro et le nom de leur série. Et en tout cas, tous les numéros de revues Femmes Photographes qu'on a faites, on les aurait jamais faites sans la participation de tous les photographes et aussi de tous les gens qui ont écrit des éditos. Donc on les remercie, et Julien et Sophie aussi, pour la lecture du texte de Jérôme. Donc dans ce numéro 10, nous avons... La première série est une série de Bérangère Frobon qui s'appelle « L'amour seul brisera nos cœurs ». Ensuite, une série de Marcela Bruna qui s'appelle... Alors, je ne parle pas du tout espagnol, donc je vais essayer de faire ce que je peux. « Hay una serpiente en cada parezo ». Ensuite, une série de Renata Siqueira Bueno qui s'appelle « Ascensao ». Une série d'Isabelle Gressier qui s'appelle « Trop de peau ». Ensuite vient la série de Laurence Philomène qui s'appelle Lucky, qui fait la couverture de ce numéro. Ensuite, une série d'Hélé Maurice Cafiero, la série s'appelle The Bully Pulpit. La série d'Aviva Avia Weiss, sans titre. Et on finit avec la très belle série de Mélodie Mélamed qui s'appelle Autonomous Maro. Voilà. Dans ce numéro de Femmes Photographes, les questions de représentation passent beaucoup par la peau. La peau, ça a été pensé dans ce numéro-là comme une surface d'expression, mais aussi d'invention de soi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? En fait, quand on s'est dit qu'on allait faire le numéro 10, tout de suite on a pensé au X. Donc ça nous a beaucoup fait rigoler et on s'est dit qu'on ferait bien une série X. Et assez vite, par contre, on s'est dit qu'avant de parler de sexualité, il fallait qu'on parle des corps, et du coup des corps plus individuels. Et donc on a essayé de trouver des séries qui parlent du corps, mais vraiment seul, en fait. Comme tout ce qu'on disait tout à l'heure avec Émilie, en fait, sur une chose qui... par le médium de la photographie, les gens viennent, alors que ce soit de l'autoportrait ou même simplement des gens qui viennent photographier d'autres personnes, mais où le médium sert vraiment de révélateur en fait, de ce que la peau pourrait donner. C'est vraiment un œil extérieur en fait, à la peau. Quoi. Il y a aussi des sortes de témoignages, mais c'est vraiment... Moi, en tout cas, pour la photographie, je la prends vraiment en tant que presque témoignage en fait, de ça. Comme une même surface, en fait.